Chapitre 15e, Lord Dane. La tempête régnait sur les côtes. Le vent n'avait pas cessé de souffler depuis une dizaine de jours. On était au commencement de septembre. Mais il semblait aujourd'hui redoubler de force et de violence. Jamais, de mémoire d'homme, le temps n'avait été plus épouvantablement mauvais. Jamais les arbres ne s'étaient courbés comme aujourd'hui sous l'ouragan. Le soleil disparaissait derrière l'horizon avec des lueurs sinistres. Les oiseaux de mer volaient, affolés, en poussant des cris rauques. Les vagues s'élevaient en montagnes énormes. Tout présageait une nuit terrible. Maria Lester, assise devant la glace de sa chambre, s'habillait pour le dîner. Rarement miroir reflétait un plus charmant visage. Ses traits, comme ceux des Lester, fins et délicats, le rose tendre de ses joues, ses yeux noirs d'une douceur pénétrante, ses cheveux noirs bleus d'une soyeuse finesse, sa taille élégante et gracieuse, ses manières tranquilles et sans prétention, faisaient d'elle la plus adorable des femmes. Personne ne doutait qu'une si délicieuse créature ne se mariât de bonne heure, si on le lui permettait. Âgée de 20 ans maintenant, elle avait déjà reçu une offre de ce genre pendant son séjour à Londres, ou, pour mieux dire, M. Lester, l'ayant reçue pour elle, avait pris sur lui de la repousser de la façon la plus sommaire. Maria, quand elle le sut, se mit à rire et se contenta de répondre à son père qu'elle lui était, en vérité, très obligée. Si on le lui permettait. Les mauvaises langues de Dainchild prétendaient que la permission ne viendrait jamais. Les grandes dépenses de M. Lester et son revenu insuffisant pour y pourvoir n'étaient un secret pour personne dans le pays, et l'on ne se gênait pas pour en parler tout haut. Comment raisonnablement supposer qu'il consentirait à se séparer de sa fille quand, par son mariage, il se verrait privé d'un revenu de 20 000 francs? Toutes les probabilités étaient contre. Maria termine à peine sa toilette. Elle portait ce soir-là une robe de soie violette toute simple, garnie seulement au bas de la jupe et aux manches de petites dentelles blanches. Quand brusquement retentit au dehors un bruit plus semblable à un coup de canon qu'à une rafale de vent. Elle s'approcha de la fenêtre pour jeter un regard sur la mer au loin et recula en frémissant à la vue des flots furieux et de la violence de la tempête. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle en levant les mains vers le ciel d'un air suppliant. « Protégez ceux qui sont en mer cette nuit !» Lady Adelaide, en admirable toilette de soirée, était déjà descendue au salon quand Maria y entra. Depuis longtemps, les toilettes de Lady Adelaide avaient cessé d'être un sujet d'étonnement à Dainchild Hall, quoiqu'elles fussent ridiculement absurdes. On y était accoutumé. Chaque soir, pour dîner, même en famille, entre eux, Lady Adelaide apparaissait vêtue comme pour le bal. M. Lester, dans les premiers jours de son mariage, avait encouragé cette habitude, avant ses embarras d'argent, et le pli en était pris. Peut-être entrevoyait-il maintenant les conséquences d'un pareil luxe. Maria s'assit sans que sa belle-mère daignât lui adresser la parole, et suivant son habitude, ne se considéra pas comme chez elle. L'indifférence de Lady Adelaide, c'était encore ce que la pauvre fille pouvait désirer de mieux. M. Lester entra au salon au moment même où l'on annonçait le dîner, à 6 heures précises. Il offrit son bras à sa femme et passa dans la salle à manger, suivi de Maria. Aucun invité au hall ce jour-là. Le dîner fut bientôt fini. Au dessert, les enfants firent irruption dans la salle et, suivant leur coutume, se bourrèrent de friandises. Le vent soufflait toujours avec une violence croissante. Une épouvantable rafale ébranla la fenêtre. M. Lester ne put réprimer un mouvement de frayeur. « Comment cela se passera-t-il en mer, cette nuit ? » s'écria-t-il. « J'ai cru un instant aujourd'hui que les poneys seraient précipités du haut des falaises, » dit nonchalamment Lady Adelaide. « Ada, eh bien, qu'as-tu ? Tu as donc trop mangé ? Prenez-la sur vos genoux, Maria. « Comment ? Vous vous êtes aventurée sur la falaise aujourd'hui ?» demanda M. Lester. « Ce n'est pas ce qu'on peut appeler de la prudence, cela, Adelaide. Je suis rentrée de suite, en m'apercevant de la violence du vent. Vous n'avez pas chassé, je présume. Impossible, avec un ouragan pareil. Dane était venu me chercher, cependant, mais je lui ai ri au nez. Il nous rendra visite ce soir, Adelaide. Il me l'a promis, du moins. » Elle fronça tout à coup les sourcils. Son front se rembrunit, mais elle se remit presque aussitôt, et sa voix reprit son expression d'indifférence habituelle. Il est probable que le mauvais temps le retiendra au château. Maria, est-ce qu'Ada s'est endormie ? Maria Lester baissa vivement les yeux sur la petite fille qu'elle tenait dans ses bras. L'enfant s'était assoupi, la bouche pleine et un morceau de gâteau dans la main. Il est temps de la coucher, dit M. Lester. Le vent l'a fatiguée. Ce n'est pas étonnant. J'en suis moi-même exténué. Monte-la dans sa chambre, Maria. Quand Maria entra dans la nurserie, la bonne était en train de déshabiller le plus jeune enfant. Deux autres se roulaient en criant sur le tapis. « Tenez, nourrice, en voilà une qui vient de s'endormir dans mes bras. »« Insupportable petite guenon !» répondit la nourrice. « Il faudrait avoir 8 bras pour les déshabiller. Ils veulent tous se coucher à la fois. »« Mais où est Suzanne ce soir ?»« Oh, Suzanne, est-ce que Suzanne ne reste jamais ici le soir ?»« Je vous demande bien pardon, Miss Lester, de vous répondre comme ça. » dit tout à coup la bonne. « Mais je suis tellement agacée par cette Suzanne, je suis mise à une si rude épreuve que j'en oublie à qui je parle. Une fois les enfants au dessert, Suzanne estime qu'elle n'a plus rien à faire et elle file. Elle reste toujours dehors de mortelles heures, en me laissant tout sur le dos. Je ne peux cependant pas quitter la chambre des enfants pour aller à sa poursuite, et j'ai beau sonner et ressonner, c'est comme si je chantais. Célina vient m'aider ordinairement, ce soir elle n'a pas eu le temps. Où Suzanne va-t-elle ? Ah, est-ce que je sais ? Je n'ai pas plus de pouvoir sur elle que sur cet horrible vent, qui, s'il continue, va mettre la maison en pièces. Pourquoi ne vous plaignez-vous pas, Lady Adélaïde ? Je lui ai déjà parlé, ça ne m'a servi à rien. Suzanne a toujours quelques bonnes excuses à donner à Milady, et Tiffle la soutient. C'est sa nièce, vous savez, et j'ai idée que si elle sort ainsi, c'est par ordre de Tiffle. La vérité, Miss Lester, voyez-vous, c'est que Tiffle est la véritable maîtresse de la maison, et ça m'est parfaitement indifférent. Comme entendre le dire. Vous, horrible petit singe, voulez-vous bien ne pas pleurer ? Je vais vous prendre dans un instant. Miss Lester sonna, et ne recevant pas de réponse, sonna de nouveau. Cette fois, le coup de sonnette était si violent et si impératif que Tiff le crut de son devoir de monter pour lever la tête à la nourrice. Elle entra, furieuse, en demandant le motif de tout ce vacarme. C'est moi qui ai sonné, interrompit sévèrement Miss Lester. J'ai sonné pour Suzanne. Tiffle se tut comme par enchantement. Ses manières devinrent tout à coup d'une exquise douceur. Elle était aussi adroite que fausse, cette brave Tiffle. Pour Suzanne, miss, est-ce que la nourrice a besoin d'elle ? Je viens à l'instant de l'envoyer faire une petite course pour moi, croyant les enfants dans la salle à manger, et sa présence inutile dans la nurserie. Aussitôt son retour, je lui dirai de monter, miss. Vous voyez qu'elle est nécessaire ici, Tiffle, répondit gravement Miss Lester. Voilà 3 enfants qui devraient être déshabillés tout de suite, et il est impossible à une seule personne de faire toute la besogne. La nourrice me dit que Suzanne sort tous les soirs à 7 heures-ci. J'en avertirai Lady Adélaïde. Faites excuse, Miss Lester, mais c'est bien inutile. Milady a une confiance illimitée en moi et en Suzanne. Cela peut être, Tiffle. Il est bon cependant de lui faire savoir que les enfants sont négligés. Envoyez Suzanne ici aussitôt son retour. Miss Lester rentra dans sa chambre. Elle y resta quelques instants, debout devant la fenêtre, à écouter les hurlements de la tempête. Le soleil s'était couché, mais ses dernières lueurs répandaient à l'horizon une vive lumière et la lune se levait. Ce n'était pas encore le crépuscule. « Je pense que je puis m'aventurer à sortir, » se disait Maria elle-même. « Bien enveloppée dans mon manteau, le vent n'aura pas de prise sur moi. Il faut que je voie Marguerite, il faut que je sache si elle a appris quelque chose de cette affaire. J'en suis malade. » Papa me demandait au dîner pourquoi je ne mangeais pas. Comment pourrais-je manger, avec cette horrible crainte qui me torture ? Oui, j'irai. J'irai rien que pour éviter Lord Dane. Elle mit un chapeau de paille qu'elle serra fortement sous son menton, s'enveloppa dans un manteau et descendit avec précaution l'escalier. Un domestique se trouvait dans l'antichambre au moment où elle la traversa. « James, dit Miss Lester, si l'on me demandait, vous diriez que je suis allé prendre le thé avec Miss Bordelion. » Quand M. Lester avait annoncé à sa femme la visite probable de Lord Dane pour ce soir, il avait parfaitement remarqué son froncement de sourcils et son air de mauvaise humeur, quelques passagers qu'ils eussent été, et aussitôt après le départ des enfants, il dit brusquement « Est-ce que vous avez quelques préventions contre Lord Dane, Adélaïde ?»« Des préventions contre Lord Dane, moi. » « Il m'a semblé une ou deux fois que vous aviez un air ennuyé quand je vous annonçais sa visite. »« Un grand Dieu, non ?» Que Lord Dane vienne ou ne vienne pas, c'est là une chose qui m'importe peu, répondit-elle, en faisant un effort pour conserver son indifférence habituelle et en détournant la tête pour cacher sa rougeur. Je ne m'étonne pas qu'il aime tant à nous rendre visite, ajouta M. Lester. Le château doit être pour lui d'une tristesse mortelle, n'avoir jamais pour société que cette pauvre stupide Cecilia. Ce n'est pas fort gai, en effet. Comme votre cousin, Il n'est pas mon cousin. À proprement parler, non, mais vous l'avez toujours considéré comme tel. Et vous savez, ma chère femme, vous êtes capricieuse, à l'occasion. Capricieuse, oui, c'est bien possible. Quand vous m'avez épousée, Georges, vous m'avez prise, ne l'oubliez pas, avec mes faiblesses et mes défauts. Je ne pense pas qu'ils aient diminué avec l'âge. Dane ne vous a donné aucun sujet de plainte, alors? Pas le moindre. Comme le vent est épouvantable, nous aurons une horrible nuit. La conversation prit un autre tour et peu après, Lady Adélaïde passa dans le salon, laissant son mari dans la salle à manger. Elle ne s'assit pas et commença à se promener de long en large avec agitation, tantôt prenant une rose dans un verre de cristal, tantôt jetant un coup d'œil distrait sur le titre d'un livre nouveau, non coupé, sur la table, tantôt s'arrêtant devant une glace de trumeau, non pour s'y regarder, mais comme absorbée dans un rêve pénible. Il y avait des moments dans la vie de Lady Adélaïde où son présent et son passé lui apparaissaient sous leur vraie et sombre couleur. Son mariage avec M. Lester avait été une grande erreur. Il faisait de son mieux aussi pour échapper à quelque horrible fantôme qui, toujours, de près ou de loin, la suivait, et qui, ce soir-là, semblait se rapprocher d'elle, menaçant. Le passé tel qu'il aurait pu être lui apparut en ce moment et, frémissante, elle passa sa main sur son front où perlaient de larges gouttes de sueur. Ah, si le sort lui eût été plus doux, elle aurait pu peut-être être meilleure. Elle aurait pu aimer ses semblables. Elle n'aurait pas fermé son cœur à tous les bons sentiments. Elle ne serait pas devenue, de jour en jour, plus cruelle, plus égoïste et plus fausse. Un léger mouvement près de la porte la fit tressaillir et elle se retourna vivement, en regardant par-dessus son épaule avec ce regard épouvanté dont elle ne pouvait jamais se défendre au moindre bruit inattendu, comme si elle eût craint que le fantôme redouté ne se dressât tout à coup devant elle. C'était seulement Tiffle. Tiffle qui entra doucement, s'excusant de l'éranger ainsi, Milady. « Ma lady, je vous demande mille pardons d'avoir osé venir vous troubler ici, mais j'ai pensé que je pouvais prendre la liberté de m'informer si vous ne désiriez pas avoir du feu dans votre cabinet de toilette. Le vent devient à chaque instant plus violent. Du feu, non, je ne crois pas, il fait chaud. Du reste, comme vous voudrez, peu m'importe. Alors je l'allumerai, mais lady s'en trouvera mieux. » Tiffle fit une sorte de révérence comme si elle allait prendre congé. Mais au lieu de sortir, elle se rapprocha plus doucement encore de Lady Adélaïde et elle lui dit très bas « On assure que le garde-chasse ne passera pas la nuit. » Mais Lady m'excusera d'avoir tardé à l'en informer. « Et, ma Lady, » continua-t-elle en baissant la voix, « vous savez, le maigre vu avec les autres, c'était M. Wilfrid Lester. Ce ne sera agréable pour personne si Catelyn meurt. » Tiffle, il m'est impossible de croire à cette histoire. Fit Lady Adélaïde en s'asseyant sur le canapé et en regardant la domestique d'un air de doute. Il n'est pas assez imprudent pour s'être laissé entraîner dans une pareille aventure. Eh bien, mais ce serait pour lui la déportation, ni plus ni moins. Plus j'y pense et moins j'y crois. Pour l'amour de Dieu, Tiffle, soyez prudente et faites en sorte que M. Lester ne sache rien de cette affaire. Mais comment êtes-vous si bien instruite? Il faut que vous soyez sorcière. My Lady, faites excuse. Je ne sais pas si je suis sorcière, mais en tout cas, je vous ai toujours bien renseigné, dit Tiffle en cherchant à adoucir sa face de vinaigre. Quand je vous ai annoncé le mariage des deux tourtereaux, est-ce que je me trompais, my lady? Me suis-je trompé encore en vous affirmant, il y a 8 jours, qu'il sortait la nuit avec un fusil, quoique son fusil, tout le monde le sait, soit chez le prêteur sur gage? Et, pour ne pas parler d'autres circonstances qu'il ne me serait peut-être pas difficile de me rappeler, je me permettrai de dire que je connais trop bien mes devoirs envers Milady pour lui répéter des nouvelles dont je ne serais pas certaine, ou lui conter des histoires en l'air. Mais, Tiffle, comment pouvez-vous être au courant de pareilles choses? Vous devez certainement avoir quelque agent de police à votre disposition. Mon agent de police, Milady, c'est mes bons yeux et mes oreilles, toujours ouverts pour le bien de ces doux chérubins, de ces pauvres chers agneaux qui dorment là-haut, dans leur petit lit bien chaud. Si on laissait faire M. Wilfrid et Miss Lester, il ne serait pas loin à piétiner sur eux, mais jamais. Heureusement, j'ai les oreilles pour entendre et une langue pour parler. D'un signe de la main, Lady Adélaïde fit comprendre à Tiffle que la conversation devait en rester là, et Tiffle disparut comme par enchantement. Lady Adélaïde retomba bientôt dans sa rêverie. Pour quelle raison me hante-t-il maintenant? Pourquoi me poursuit-il sans cesse? Se disait-elle tout bas. 10 ans, 10 longues et mortelles années. et j'ai eu le temps d'oublier cependant. Est-ce depuis que je l'ai revue que cette horrible crainte m'obsède ainsi? Non, car je ne l'éprouvais pas à Londres, et cependant nous nous rencontrions là aussi souvent qu'ici. C'est seulement depuis mon retour à Dainchild, et cette nuit je suis plus épouvanté que jamais. J'ai un affreux pressentiment que le passé va être fouillé de nouveau et que ma faute... Lord Dane, ma lady, annonça Tiffle. Lord Dane n'était plus changé que Lady Adelaide. Comment reconnaître en cet homme de 38 ans, à la stature élevée, à l'air sévère, aux cheveux grisonnants, au front déjà ridé par les soucis et les chagrins, le jeune homme si élégant et si svelte d'il y a 10 ans? Il était très beau encore cependant, plus beau même, dans la vraie acception du mot, qu'il n'avait jamais été. La noblesse de ses traits, la dignité de son maintien rappelait celle des Dane, ses ancêtres. Mais les rides de son front, pourquoi étaient-elles si profondes? Au comble des honneurs et de la richesse, car ses coffres s'étaient remplis jusqu'au bord pendant sa longue absence, n'ayant rien à désirer dans la vie, pourquoi cet air soucieux et cette tristesse que rien ne pouvait dissiper? Lady Adelaide se leva pour le recevoir. Ils s'étaient rencontrés maintes fois depuis quelque temps, mais Lord Dane, en l'abordant ce soir, ne put s'empêcher de remarquer combien le temps avait peu de prise sur elle. Il lui sembla revoir la belle et séduisante jeune fille de ses jeunes années et de ses jeunes amours. « Quelle terrible nuit » s'écria-t-elle en se rasseyant et en indiquant un siège auprès d'elle. « Terrible ! Le vent souffle droit sur les côtes. J'espère que nous n'aurons pas de désastre en mer. Vous êtes venu à pied ? À pied, oh, certainement, ce n'est pas loin. Je pensais au mauvais temps. Oh, je suis fort contre la pluie et le vent, quelque violent qu'il soit. Mes 9 ou 10 ans de voyage m'ont rendu grand service, sous ce rapport. Je me suis toujours demandé avec étonnement ce qui avait pu vous retenir ainsi, 10 ans à l'étranger. Quelle attraction y trouviez-vous donc? Et cependant, vous n'êtes jamais resté longtemps dans la même ville. J'ai voyagé partout, dans tous les coins de l'Europe, mais je n'en suis pas sorti. Ah, pardon, si, excepté pour explorer la Turquie d'Asie. Mais quels attraits une pareille existence avait-elle pour vous, Lord Dane? Voilà ce que je voudrais savoir. Aucun. Est-ce que rien ne l'attrait pour un homme dont l'esprit est perpétuellement agité et que le sommeil a fui? J'errais ça et là, convaincu que ma vie se passerait désormais sans but, et certainement sans attraction. Une conviction bien téméraire, à votre âge, et un tel avenir devant vous, dit-elle d'un ton de gaieté affectée. Oui, vous avez raison, et depuis je me suis aperçu de mon erreur. De quelle manière? Je remase en Angleterre, insouciant de tout, ne sachant pas en vérité si j'y resterai 8 jours, ou si j'y demeurerai à jamais. Mais bientôt après, les vieilles fibres de mon cœur, que j'avais cru mortes et bien mortes, se mirent à tressaillir de nouveau. C'est ici, dans ce pays où je suis né, où j'ai vécu mon enfance, que j'ai retrouvé ce qui fait le charme et le but de la vie, et je pense que maintenant je pourrai être heureux, et pour jamais. Elle leva la tête et le regarda curieusement. Lord Dane continua. Quand j'eus conscience de ce qui se passait en moi, je voulus d'abord résister. Je combattis de toutes les forces de mon cœur le sentiment dont je me sentais envahi. Mais plus je luttais, moins je réussissais à le vaincre. Il devint bientôt mon maître, le maître de chacune de mes actions, le maître de ma vie, me dominant jour et nuit. Ah, je vous le jure, sur ce qui m'est le plus sacré, j'avais cru jusqu'alors mon cœur incapable d'aimer désormais. Je me croyais mort à l'amour, je croyais que l'oiseau n'avait plus de voix. Je suis presque honteux de l'avouer maintenant. » Elle tressaillit et se redressa légèrement sur son fauteuil. Ses joues étaient brûlantes. Les paupières à demi baissées, elle regardait Lord Dane avec un étonnement croissant. Il se rapprocha d'elle et reprit avec une certaine agitation. « Depuis 2 ou 3 semaines, j'avais toujours l'intention de vous parler, mais je vous l'avoue franchement, je me sentais mal à l'aise pour le faire. Quand par hasard je me trouvais seul avec vous, et que mon aveu était sur le point de m'échapper, un sentiment que je ne saurais définir, mais que vous comprendrez peut-être, une soudaine répugnance à m'expliquer me saisissait et arrêtait les paroles sur mes lèvres. Mais ce soir, pendant le trajet du château ici, je me suis fait serment à moi-même de vous tout avouer, si l'occasion s'en présentait. Pardonnez-moi pour ce que je vais vous dire, et pardonnez-moi pour ce que je vais vous demander. Et que votre cœur plaide ma cause, Adélaïde. Pardonnez-moi encore si je m'adresse à vous avec la familiarité de nos jeunes années, que je vous gagne à ma cause, et je suis sûr du succès. » Il parlait de ce ton tendre et pénétrant qui, jadis, avait été pour elle la plus douce des musiques. Il prit sa main dans les siennes avec une vivacité suppliante. Adélaïde, frémissante au souvenir des jours heureux, la tête troublée, ne comprit pas sa pensée. Elle crut qu'il s'agissait d'elle, quand il lui demandait seulement d'intercéder en sa faveur auprès d'une autre. Après quelques instants de lutte intérieure et de profonde émotion, son visage reprit une expression de froideur implacable. « Avez-vous oublié qui je suis ?» demanda-t-elle fièrement. Non pas cependant comme si elle se sentait offensée, mais plutôt comme si elle pensait que réellement il l'avait oubliée. « Revenez à vous, Lord Dane. Je suis la femme de M. Lester et la mère de ses enfants. » Lord Dane laissa tomber sa main, et un rire involontaire lui échappa avant qu'il eût le temps de le réprimer. « Quand vous m'avez repoussé pour épouser George Lester, Lady Adélaïde, j'ai parfaitement compris que tout était à jamais fini entre nous. » Croyez-moi, j'ai accepté à l'instant même le fait comme irrévocable, et depuis lors, pas une minute. Je n'ai pensé que vous pourriez m'accorder vos faveurs, quelles que fussent les circonstances ou les changements que les hasards de ce monde pourraient produire. Je vous demande mille fois pardon de ne pas m'être expliqué en des termes assez clairs pour être compris. Je vous ai simplement demandé vos bons offices en ma faveur auprès de votre belle-fille, Maria Lester. Lady Adélaïde était rouge de confusion et de honte. Jamais femme n'était tombée dans une plus humiliante erreur. Elle se serait battue pour sa ridicule sottise et l'aurait volontiers frappée, Lord Dane. Quand elle ouvrit la bouche pour répondre, elle fut incapable d'articuler un mot. Qu'avait-elle à lui reprocher après tout? Il s'était expliqué sans réticence. L'idée ne lui était même pas venue qu'elle pût se méprendre à ses paroles. Ses pensées appartenaient tout entières à Maria Lester et Lady Adélaïde n'était plus rien pour lui. Le coup, cependant, n'en frappa moins violemment la malheureuse femme. Ah, pensa-t-elle tout bas avec rage. Mon humiliation et ma honte le vengent amplement de tout ce que je lui ai fait souffrir dans le passé. Oui, je voudrais obtenir la main de Miss Lester. Et si je m'adresse à vous en ce moment, c'est que, je le sais, vous avez assez d'influence sur votre mari pour le décider à me l'accorder. On ne cesse de me répéter qu'il est temps de me marier. Je reconnais qu'on a raison. En dehors même de tous les rêves dans lesquels mon cœur se complaît, j'avais compris déjà que le mariage devenait une nécessité pour moi, dans l'état de solitude où je me trouve, car la pauvre Cecilia m'est de bien peu de ressources comme société. Mais ce n'est pas un tel motif qui me décide, et avant mon départ de Londres, mon choix s'était fixé sur Miss Lester. Je n'ai jamais rencontré de jeune fille plus accomplie, ajouta-t-il avec emphase, et j'espère qu'elle consentira à devenir Lady Dane. Je m'adresse donc à vous, comme à une vieille amie, en vous demandant de prendre à cœur mes intérêts et de parler en ma faveur à Miss Lester. Tout s'explique enfin, et les fréquentes visites de Lord Dane Hall depuis quelque temps, qui l'avaient si fort étonné, et son empressement, auquel, sans doute, elle attribue un tout autre motif. Son sang brûlait. Elle s'efforça cependant de maîtriser son émotion et, relevant fièrement la tête, « Pourquoi vous adressez à moi plutôt qu'à M. Lester, Lord Dane ?» Lord Dane le lui expliqua de son mieux et en prenant toutes les précautions possibles, le sujet était délicat. Comme tout Dainchild, il savait que la perspective d'être privé de la jouissance de la fortune de sa fille serait pour M. Lester un insurmontable empêchement à consentir à tout mariage qui se présenterait pour elle. Lord Dane, cependant, voulait Maria pour elle-même et non pour sa fortune. Il se souciait fort peu que M. Lester gardât l'argent, et il offrait, au contraire, de reconnaître à Maria une dot considérable, qui remplacerait amplement celle dont son père aurait eu à lui rendre compte. C'était là ce qu'il avait désiré dire d'abord à Lady Adélaïde, car il n'ignorait pas combien M. Lester était chatouilleux sur les questions d'argent, et il pensait que cette communication serait mieux reçue par lui, de la bouche de sa femme que de la sienne. Le sentiment de Lord Dane était généreux et délicat, et Lady Adélaïde ne pouvait qu'en être touchée. Elle s'adoucit peu à peu. Naturellement, ces arrangements devront être réglés par des hommes de loi, observa Lord Dane. Vous serez mon avocat auprès de la fille et du père, n'est-ce pas, chère Lady Adélaïde? Lady Adélaïde ne fit pas de réponse immédiate. Un poids accablant semblait peser sur elle et l'étouffer. Tout d'un coup, elle se leva de son fauteuil, dans un état d'agitation irrésistible, s'approcha vivement de la fenêtre et, entr'ouvrant les rideaux, se mit à regarder la tempête de la nuit. Lord Dane ne la quittait pas des yeux. A-t-elle donc encore dans le cœur un reste d'amour pour moi? Se demanda-t-il tout bas. Ou ne se pardonnerait-elle pas, et ne me pardonne-t-elle pas à moi-même, la malheureuse méprise de tout à l'heure ? Maria est trop jeune pour vous, Lord Dane, dit-elle brusquement, sans quitter la fenêtre et sans se retourner. C'est là une question. Je vous demande bien pardon, Lady Adelaide. C'est là une question dont elle et moi devons être seuls juges. Vous avez le double de son âge ? Pas tout à fait. Il y eut un long silence que rompit enfin Lady Adelaide. Je préférerais rester neutre dans cette affaire, Lord Dane, dit-elle en revenant s'asseoir sur le canapé. Si je ne fais rien pour seconder vos efforts à réussir auprès de Miss Lester, je vous promets de ne rien faire au moins pour les entraver. Adressez-vous directement à M. Lester. Parlez-lui avec la franchise et la délicatesse dont vous avez usé envers moi, et je suis certaine qu'il vous écoutera. Il est, cela est vrai, très susceptible pour tout ce qui touche aux affaires d'argent. Et ses dernières discussions avec son fils n'ont fait que rendre plus vive encore cette susceptibilité. C'est à lui seul de prendre une détermination. Maria est sa fille et non la mienne. Et décidément, je préfère ne pas intervenir. Votre démarche réussira ou ne réussira pas, mais je ne veux être pour rien, soit dans votre succès, soit dans votre échec. Vous ne prendrez pas parti contre moi. Je viens de vous le dire. Je garderai une stricte neutralité. Lord Dane s'inclina. Dans le fond de son cœur, il avait craint de l'avoir contre lui et contre Maria. Et ce fut cette secrète crainte qui le détermina sans doute à s'ouvrir à elle d'abord et de tenter de la mettre dans ses intérêts. Peut-être ne s'était-il pas tendu à une plus grande concession de sa part. Miss Lester est-elle à la maison ce soir ? Oui, mais je ne sais ce qu'elle est devenue, dit Lady Adelaide en sonnant. Avertissez Miss Lester qu'on l'attend au salon, ajouta-t-elle en s'adressant au domestique qui était accouru au coup de sonnette. Miss Lester est sortie, ma lady. Sortie par un temps pareil ? Elle est sortie tout de suite après le dîner, ma lady. Elle m'a dit qu'elle allait prendre le thé chez Miss Bordelion. Ah, cette Maria fait des choses auxquelles personne au monde ne penserait jamais, s'écria Lady Adelaide, après que le domestique eut refermé la porte. Quelle idée de se promener sur les routes par une semblable tempête ! Il y avait sans doute pour elle nécessité absolue, observa Lord Dane, très surpris lui-même. La nécessité absolue de donner satisfaction à quelques caprices, ou peut-être une promesse faite à cet antique spécimen déconvenant sur cette terre, Miss Bordelion, répliqua d'un ton dédaigneux Lady Adelaide. Je m'étonne que M. Lester ne défende pas Maria d'aller au cottage, après la conduite de cette femme à l'égard de Wilfrid et de sa nièce, au moment de leur mariage. À propos de Wilfrid Lester, comment va votre garde-chasse ? On m'assurait qu'il se mourait. Non, il va mieux, au contraire, et j'espère encore qu'il s'en tirera. Il était presque bien ce matin. Malheureusement, la police est venue l'interroger, et il en est résulté pour lui une grande fatigue. J'aurais désiré que ces messieurs missent un peu moins d'empressement à intervenir dans cette affaire. Kathleen n'était pas en état de répondre à leurs questions. A-t-on fini par découvrir les coupables ? Pas un seul. Kathleen soupçonne un ou deux individus, mais il n'est sûr de rien, et la police ne peut pas agir. Les drôles resteront donc encore une fois impunis. J'ai l'idée que vous êtes porté à l'indulgence. Lord Dane se mit à rire. Il ne savait pas en vérité s'il y était porté ou non, et toutes ces affaires de braconnage l'intéressaient réellement fort peu. « Monsieur Lester est-il dans la salle à manger ? » demanda-t-il. « Je le présume. Je l'y ai laissé. Il faut qu'il se soit endormi. » Avec un mot d'excuse pour la quitter si tôt, Lord Dane prit congé d'elle et sortit à la recherche de Monsieur Lester, qu'il trouva non dans la salle à manger, mais dans son cabinet de travail, assis devant son bureau, encombré de papiers qu'il examinait d'un air préoccupé et soucieux. Lord Dane s'assit en face de lui et fit tranquillement sa demande, en glissant légèrement sur les arrangements dont il avait fait part à Lady Adelaide. Sans cet obstacle qui se dressait infranchissable devant lui, M. Lester aurait sauté sur cette offre inattendue. C'était une chance qu'il n'avait jamais osé espérer pour Maria. Pensif, perplexe, il gardait le silence. D'un côté, il lui était absolument impossible de se priver de la fortune de sa fille. De l'autre, il comprenait également l'impossibilité d'accepter un arrangement semblable à celui que proposait Lord Dane. M. Lester avait toujours tenu grand compte de l'opinion de ses voisins. C'était un homme esclave du « qu'en dira-t-on ? » Et il se demandait ce que le monde penserait de lui s'il acceptait une pareille offre. « J'espère que vous ne me refuserez pas, M. Lester. Je puis constituer à votre fille le douaire le plus considérable, et je l'aime comme je n'aurais jamais cru pouvoir aimer personne. » Je vous remercie de votre proposition, Lord Dane. Elle nous honore. Mais de telles affaires méritent un sérieux et mûr examen. Voulez-vous m'accorder une semaine ou deux de réflexion? Si longtemps. Mieux vaut attendre 10 jours que recevoir immédiatement une réponse négative. Certainement. Mais pourquoi une réponse négative? En vérité, je ne suis pas préparé à discuter avec vous sur ce point en ce moment, dit M. Lester en se levant. Il faut que vous me promettiez de me laisser le temps de réfléchir et de ne rien dire à Maria. Allons retrouver Lady Adelaide. Il jeta un rapide coup d'œil sur ses papiers d'affaires, éteignit la lampe et ferma à clé son cabinet. Au même moment, la porte d'entrée de la maison s'ouvrait et Maria se précipitait dans l'antichambre, tête nue, son chapeau de paille à la main. « Oh père, quelle nuit !» s'écria-t-elle essoufflée, haletante, et regardant d'un air comique le désordre de sa robe et de ses jupons. « Mon voile a été emporté, Dieu sait où, et j'étais bien heureuse de sauver mon chapeau. Vois un peu mes cheveux. Oh, n'est-ce pas Lord Dane ? Oh, je vous en prie, ne me regardez pas. » M. Lester, étonné, lui demanda ce qui avait pu la décider à sortir par une pareille tempête. « Je ne croyais pas le vent si violent, papa. J'étais chez Miss Bordillon. Elle n'a pas voulu me garder et m'a fait accompagner par Marie et le vieux jardinier. Je serais curieuse de savoir comment ils s'y prendront pour s'en retourner. Le vent augmente de minute en minute. » Et riant au souvenir de son escapade, Maria jeta sur une des banquettes de l'antichambre son chapeau et son manteau, releva ses cheveux sur son front, et entra au salon au bras de Lord Dane.